Moi, je sais comment se passera mon enterrement. Il y aura quand même un peu de gens qui me connaîtront pas forcément. Quelques personnes dans une église pour une brève cérémonie. Un curé, une bonne sœur. Notre mère, notre fille, notre...